Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 76e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour cette nouvelle émission pleine de surprises, j'accueille Laurent, salut Lolo. Salut tout le monde. Comment ça va? Ben ça va, bah et oui. Toi? Oui, ça va, ça va, ça va. Est-ce que t'es content? Je sais pas comment introduire le truc. Content, putain, tu me balances ça dans la gueule et démerde-toi. Est-ce que t'es content? Oui, je suis content, je suis très content, je sais pas pourquoi. Ouais. Non, je suis pas content parce que j'attends toujours le PSVR 2, que j'en ai un peu marre des PS Move et tout ça, et il n'y a rien qui arrive, et puis c'est pas prêt d'arriver, parce que là, toute la hype et les projecteurs sont tous sur Horizon, donc pour l'instant, on fait comme tout le monde, on attend. Horizon, bien, quoi. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est le jeu qu'on peut pas retrouver en version PS4 sur la PS5 et que ça fait un foin? Hein, Majo, c'est ça? Salut, Majo. Bonsoir. Ça va? Nickel. Bon. Ces intros de merde. Et vous? Je pense que c'est l'intro la plus molle qu'on a réussi à faire en 4 ans d'existence. J'avoue. Restez là, le fun arrive. pour plus de fun, restez. Exactement. Bonjour. Je suis un joueur PSVR et j'en peux plus. Putain, ouais, c'est ça, la corde. On est fébrile, un peu au creux de la vague là quand même. Non, mais il y a plein de bonnes choses. Il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Bah ouais, il y a plein de bonnes choses. Donc bonsoir tout bonsoir, le monde. Bonsoir, cher Majo. Est-ce que tu es content, toi, Majo, aussi, en ce moment? Très, très. Moi, je suis content. Il y a des choses qui se passent sur des bons jeux, donc je suis content. Ah, hein, bah, je pense que tu vas nous raconter tout ça pendant l'émission. Oh, bah, tu crois que c'est quoi, de toute façon? No Man's Sky. Lui, il est content, c'est toujours le même jeu. Oui, No Man's Sky, tu peux te faire un nouveau skin dans No Man's Sky. Qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, les gars. C'est les bons jeux sont là, il faut en profiter. Ouais, c'est... Dès qu'il y a un petit truc sur No Man's Sky, ça y est, il est content. Il y a une mouche qui pète dans No Man's Sky. C'est ça, le truc, c'est que c'est pas des petits trucs, c'est que des gros trucs à chaque fois. Du gros No Man's Sky. C'est pas de com. Pas de com, pas de bruit, mais que des gros trucs. C'est ça, parce que pas de hype, tout simplement. je rigole, Majo. Moi aussi, comment regarde. Comment il est trop méchant ce soir. Ça va être compliqué. Ça commence bien, ça fuse. Donc, podcast que vous pouvez retrouver sur toutes les bonnes applications de podcast, ainsi que sur vr4player.fr. Enfin, vrplayer.fr d'ailleurs, sur la chaîne. Les deux marchent. Voilà, la chaîne VRAC sur YouTube, en version vidéo. Et n'hésitez pas à commenter, à nous laisser des petits pouces, et puis voilà, ça nous fera plaisir. Vous pouvez donner aussi des sous sur le Tipeee, parce que comme ça nous paye du matos, et ça c'est bien. On n'en parle jamais, donc. Voilà. Pour la drogue et les prostituées aussi. Exactement, bien entendu. On peut s'acheter un fil RJ45. Voilà, et ça on en a toujours besoin. Et on va commencer par les news, Laurent, pour changer. Vas-y, éblouis-nous. Oula. News, je voulais revenir sur le boom de Toby. Majo est déjà mort de rire, j'ai pas commencé. Toby, c'est un jeu de plateforme sur PlayStation. Oui, je crois. Oui, c'est un nom de chien aussi, Toby. Toby, ouais. Toby, pas le un chien qui s'appelle Toby. Non, c'est Dobby. C'est Dobby. Dobby. Ah oui, c'est Dobby. Dans Harry Potter. C'est pas Doggy. Ah oui, aussi. Un elfe de maison. L'elfe de maison. Bon, ouais, bref. Toby. Toby et Sony. Chose sérieuse. Donc, on sait que le PlayStation VR 2 a commencé son développement en 2014 avec différents brevets qui ont été déjà déposés sur l'eye tracking en 2014. Donc, on pensait quand même que le PlayStation VR 2 était relativement bien avancé, d'autant plus que, en plus, Sony commence à communiquer parce que la semaine dernière, ils ont mis en ligne la page PSVR 2. Sauf que cette page, elle n'est pas vraiment officielle étant donné qu'on n'y a pas accès sans connaître le lien, en fait. C'est des petits malins qu'on tapait derrière le slash de PlayStation blog PSVR2, ils sont tombés sur cette page, mais pour l'instant il n'y a aucun bouton dans le menu qui amène à la page. Donc bon, on sait quand même que au CES 2022, Sony ont déjà bien communiqué sur le PSVR2. Tout était bien, tout était parfait, on se disait bon bah ça va arriver et tout ça, et puis là, blam, on se prend ça dans les dents, Tobii qui fait une déclaration, donc la société Tobii AB Technologies qui est spécialisée dans l'eye tracking, qui a fait carrément un communiqué de presse en disant que le leader mondial du suivi oculaire est pionnier de l'informatique de l'attention, donc Tobii AB, annonce qu'il est actuellement en négociation avec Sony Interactive Entertainment pour devenir le fournisseur de technologie de suivi oculaire du nouveau casque VR de Sony, le PlayStation VR 2. Ensuite, il rajoute quand même la ligne « Tommy ne commente pas l'impact financier de l'accord pour le moment, car les négociations sont en cours ». Donc là, bien sûr, à partir du moment où ils ont balancé ça, ça a fusé de partout la semaine dernière. Il y a eu plein d'articles qui sont passés. Alors, il y a deux façons de voir la chose. C'est vrai que la première façon, et c'est peut-être celle qui va percuter le plus vite, quoi. Ça va être merde. Le PSVR 2 n'est pas terminé pour qu'il y ait une société qui vienne juste de rentrer maintenant en négociation, alors que nous, on l'attendait pour 2022 le casque. Donc, alors, je vous cache pas le nombre d'articles qui ont dit, le PSVR 2, ce sera pas pour 2022. Il n'est pas prêt de sortir. Il y en a même qui Il n'est pas prêt de sortir. CNET.France, le Sony PlayStation VR 2 n'est pas prêt de sortir et son prix pourrait atteindre des sommets. Bon, déjà, le titre, prends ça dans les dents. La peur. Le phone Android PS5, le PSVR 2 pourrait ne pas arriver avant 2023. Phone Android sur Twitter, ils ont fait encore mieux, eux, parce qu'ils ont mis le casque PSVR 2 est encore très loin d'être entré en phase de production. Donc c'est même plus des points d'interrogation, c'est carrément des affirmations. Donc forcément, on peut se poser des questions sur ce point-là. Alors après, on attend un petit peu, on prend du recul, on se calme, parce que c'est vrai qu'à la lecture de cette news, on flippe tout de suite. Sauf que tous ces articles, les mecs, ils ont la news, et c'est des pigistes, et ils balancent le truc tout de suite à chaud, même s'ils n'ont pas tout saisi le truc. Après, avec le recul, on commence à re-réfléchir pourquoi d'ailleurs Tobii viendrait foutre son nez dans la PS5. Parce que faut quand même bien l'admettre, la PS5 reste un système fermé. Donc déjà, dans quel sens c'est allé? Est-ce que c'est Tobii qui a fait appel à Sony ou est-ce que c'est Sony qui a fait appel à Tobii? La différence, donc Sony étant une boîte américano-japonaise, elle n'a pas besoin de faire des publications de ce type-là. Alors que Tobii étant une boîte suédoise, les lois européennes obligent justement, dès qu'il y a le moindre petit... la petite négociation entre deux sociétés, de l'annoncer officiellement dès les débuts des négociations. À quoi ça sert? Ça sert que jusqu'à présent, en fait, sur les marchés, donc en bourse, ceux qui avaient les bonnes informations, donc ceux qui étaient plutôt traders et compagnie, ils savaient avant tout le monde quelque chose et du coup, ils tradaient comme des malades. Et maintenant, avec les nouvelles lois européennes, en faisant comme ça, c'est dès qu'il y a une info, ils ont obligation de la publier. Ça veut dire que tous les actionnaires sont avertis au même moment. Il n'y a plus de personne qui est en avant parce qu'il a plus d'infos que l'autre. Donc voilà pourquoi Tobii a communiqué. Donc c'est une boîte suédoise, elle est obligée de s'y tenir. Par contre, ça ne nous dit pas si c'est Sony qui a appelé Tobii ou si c'est Tobii qui a appelé Sony. Apparemment, ce serait plutôt Tobii qui serait rentré en contact avec Sony, vu que c'est eux qui ont lancé le truc et que Sony n'a absolument rien validé jusqu'à présent. Mm-hmm. Bon, en même temps, ils ne valident jamais rien. Donc, bon. Oui, ils valident pas non plus l'information, quoi. Qui est dommage. Donc, d'où viendrait le problème? Alors le souci, c'est que le light tracking, c'est pas une science exacte. Il y a eu le directeur de Meta Facebook qui a communiqué il y a pas très longtemps là-dessus, en disant que justement c'était très très difficile d'arriver à avoir un light tracking qui fonctionne parfaitement à 100% avec tous les yeux existants. Les yeux, c'est-à-dire, on a tous des couleurs d'iris différentes. Il y a des gens qui vont avoir des yeux très très clairs, mais eux encore ça sera pas forcément compliqué, mais il y a des gens qui vont avoir des iris qui vont être très très très foncés, tellement foncés qu'on va pas voir la différence entre la pupille et l'iris. Mais il y a aussi la forme d'œil, et quand je dis forme d'œil, je parle pas de quelqu'un qui est asiatique ou de quelqu'un qui a des grands yeux ou quelqu'un qui a des petits yeux. La forme d'œil, parce qu'on a tous, on pourrait dire que notre œil c'est une boule, une balle de ping-pong, mais chaque œil est différent en fait, elle est plus ou moins... On a des pupilles qui sont plus ou moins aplaties, en fait. Mmh. Et du coup, les logiciels doivent prendre en compte cette diversité énorme de formes d'œil, donc vraiment de l'œil, du globe oculaire, pour arriver à capter et ne pas avoir des ratés et ne pas décocher. Et globalement, en fait, les entreprises d'eye tracking les meilleures sur le marché, bah, c'est justement Tobii AB, qui arrive à choper entre 95 et 98% des yeux. Après, il y a d'autres sociétés d'eye tracking qui le font, mais qui sont peut-être à 94 ou 93%. Et pour les gens verrons, donc, ce qui est... pour les gens verrons aussi, ça doit être la galère. Hein. Ben, disons qu'il voilà, y a tout un tas de petites nuances. Ou pire, tu sais, les... pour les cyclopes. Pour les borgnes, comment ils vont faire pour les borgnes? Non, non, mais tu vois, par exemple... Ben ça, ouais. Comme, ben, le pire, c'est les aveugles. Voilà, pour les aveugles, c'est très, très intelligent, Majo. Ben, c'est comme les borgnes, enfin, je veux dire, c'est aussi con. si tu mais tu sais, les gens comme David Bowie qui avait une pupille qui était plus dilatée que l'autre. Parce qu'il n'avait pas les yeux d'une couleur différente, en fait, il avait juste une pupille qui était bien plus dilatée que l'autre et qui restait constamment comme ça. Ça doit être impossible, en fait. C'est ce qu'il disait, c'est qu'en fait, l'œil est justement un des trucs qui a le plus de diversité sur la planète. Le strabisme. Fait. Donc il y aura toujours. Le strabisme, ça va être compliqué. Ouais, pour arriver à choper. Donc en fait, c'est là où interviennent certainement des logiciels d'intelligence artificielle qui doivent réagir justement pour arriver à choper les deux yeux quand c'est possible. Quoi. Le logiciel doit repérer un strabisme et doit corriger le truc pour le strabisme. Enfin bon, il y a tout un tas de trucs. Mais bon, là où ça commence à clocher, c'est que Tobii AB, donc ils sont quand même leaders sur PC. Sur cette technologie-là. Ils n'arrivent pas à atteindre les 100%, personne n'y arrive d'ailleurs. Déjà, tout à l'heure, je disais que les ingénieurs de Sony ont quand même commencé à réfléchir sur le PSVR 2 en 2014. Ils ont quand même développé le machin. Ils ont commencé à lancer la com au CES 2022. Ils commencent à balancer la page sur leur site officiel. Et on a du mal à imaginer que Sony n'a pas complètement terminé son produit avant de commencer à en parler. C'est donc là où ce qu'on disait, c'était que la deuxième hypothèse qui me paraît plus vraisemblable que la première, c'était que en fait Sony, ils ont terminé leur produit, il marche très bien sur PS5, en sachant qu'il y a 95 ou 98%, donc 2-3% de la population avec qui il va y avoir des ratés, ça c'est sûr. Mais le produit est terminé sur PS5. Ils n'ont pas du tout envie que Tobii AB installe un logiciel à l'intérieur de la PS5, parce que c'est une machine Sony, c'est un système fermé. Mais par contre, ce qui les intéresse, c'est que le système qui a été développé sur la PS5, ils ne vont pas le balancer sur PC. Donc du coup, ils pourraient faire appel à Tobii AB pour faire marcher le système d'eye tracking sur un PSVR 2 qui marcherait sur PC. Ça serait vachement plus séduisant, voilà. Ça, comme théorie, déjà, d'ailleurs. Donc cette théorie-là nous irait dans le sens que Sony sont en train d'adapter justement le PSVR 2 pour PC. Ça serait un petit truc qu'on pourrait rajouter là-dessus. Et puis surtout, ça dirait qu'il n'y aura pas de retard parce que il est possible que le PSVR 2 sorte sur PS5 comme il devrait sortir. Donc on l'attend pour la fin de l'année 2022. Mais qu'il y ait une mise à jour qui vienne après pour le PC, pour justement que le l'eye tracking fonctionne sur PC. Voilà. Ok, intéressant. Donc, effectivement, mais c'est. Voilà. Ce qu'on peut dire dessus, en tout cas, vous pouvez retrouver aussi le dossier sur le site hein, complet. Et effectivement, c'est quelque chose qui n'a pas du tout été évoqué dans les diverses news qu'on a pu voir, qu'on a pu croiser. Ce qui est un petit peu dommage. Après, ça reste de la théorie. Le PSVR 2, pas avant 2022 ou 2023 ou 2024, etc., et des choses qui sont affirmées, est-ce que c'est pas de la théorie aussi? C'est un petit peu du même acabit. Après, j'ai pas souvenir que tu en aies parlé dans ton explication, mais c'est quand même bizarre que les devs aient reçu les dev kits sans avoir d'option d'eye tracking dedans. C'est ça. Mais c'est ça, c'est que si les devs ont déjà récupéré des. Bon, on sait, hein, Mediabolicule ont déjà eu le casque. Il y a eu des rumeurs comme quoi Kojima avait reçu un PSVR 2 aussi. Donc il y a différents gros studios qui sont dans l'entourage de chez Sony qui ont déjà des PSVR 2 et qui sont déjà en train de travailler. Ben, c'est un peu logique. Ce qui expliquerait justement que le PSVR 2 serait déjà fonctionnel sur le système PS5. Donc ils pourraient travailler. Et après, c'est juste un système. C'est vrai que le logiciel PS5, même s'il est parfaitement fonctionnel, ils ne vont pas pouvoir l'installer comme ça sur un PC. Donc autant utiliser le meilleur en fait sur PC, qui est Toby Abbey, pour parce que lui il a une chier de casque en fait, Toby Abbey, hein. Il y a les Vive Pro, ils passent par là. Il y a plein de casques qui ont de l'eye tracking. Je crois qu'il y a les derniers. Comment ils s'appellent ? Il y a plusieurs casques PC qui fonctionnent déjà avec le logiciel de Toby Abbey. Et du coup, ben en fait, il rendrait juste le PSVR 2 compatible avec ce logiciel. Et du coup, tu installerais le logiciel de Toby Abbey et puis tu mettrais ton casque et tu aurais l'eye tracking qui marcherait comme ça. Donc, ce qui paraît plus logique. Et puis, en plus de ça, donc, on parle déjà que les devs ont déjà reçu un dev kit. Donc, c'est déjà quelque chose de relativement abouti. Et on vous parlait également des différentes rumeurs qui sont quand même pas forcément des rumeurs. Il y a déjà le site Bloomberg qui avait annoncé que Sony prévoyait d'utiliser des panneaux OLED Samsung, ce qui est vrai, ça a été confirmé, mais ça il l'a annoncé en juin 2021, et il avait aussi annoncé, Bloomberg, que le PSVR 2 serait lancé pendant la période de vacances de Noël en 2022. Donc il y avait ça, en plus il y avait Ming-Chin Kuo, l'analyste dans les nouvelles technologies à Taïwan, qui avait dit également que le PSVR 2 serait prévu pour le deuxième semestre 2022. On avait aussi le shérif noir qui lui avait repéré des commandes sur la chaîne d'approvisionnement de production de l'usine Gore-Tec en Chine, qui avait aussi annoncé qu'une nouvelle génération de casques VR en 2022 arriverait et qui avait déjà une livraison de prévue entre 1 et 2 millions d'unités cette année. Donc, c'est des petites choses qui s'accumulent. C'est pas des youtubeurs qui font ces mecs-là. C'est Bloomberg, c'est pas des ânes. Hein. Ils ont annoncé le rachat d'Activision Blizzard avant. C'est des vrais journalistes. C'est la grosse différence aussi. Ming-Chin Kuo, c'est pareil. C'est des mecs qui ont des contacts, qui payent même des contacts pour avoir des infos. Gore-Tec, on sait que c'est une usine chinoise qui est hyper fermée, mais rien n'empêche de glisser un petit billet pour avoir une info à l'intérieur. Et on a tout ça, et puis après, on a des articles qui vont nous balancer « Oh putain, il y a Toby Abbey qui a dit ça, c'est fini, le PSVR 2 arrivera en 2024. » Ça ne tient pas la route, en fait. Mm. Ça ne tient pas la route avec tout ce qu'on a eu jusqu'à présent. Histoire de gros sous et de secrets industriels, encore. On est en plein dedans. Voilà. C'est la période qui veut ça, en même temps. Donc, oui, pour moi, le toujours le PSVR 2, son design va être annoncé peut-être en mars, peut-être même bientôt. Pas maintenant, parce qu'avec Horizon, pour l'instant, c'est les projecteurs sur Horizon. Et puis, on restera sur un septembre, octobre, novembre 2022, à mon avis, sauf s'il y a vraiment un problème d'approvisionnement lié au Covid ou des choses comme ça. Mais je pense pas que la boîte Toby Abbey, cette info-là, va reculer le truc d'un an de plus. Quoi. Ouais, c'est pas tout à fait logique, effectivement. Ok, bon bah, en tout cas, ça a le mérite de proposer une autre alternative de compréhension de cette information-là, et c'est toujours bon à prendre. On va passer à la suite. Majo, de quoi tu veux nous parler ? Oui, moi, de rien, écoute, je suis en vacances. Relâche. Relou. Cool. Je vais parler d'un petit jeu, d'un petit dev, qui a fait... Non. Pas mal de conneries dans sa jeunesse et qui nous a répondu un jeu qui est formidable. C'est Hello Games, c'est No Man's Sky qui revient faire parler de lui en 2022. No Man's Sky. Avec une nouvelle mise à jour, encore une fois, donc une grosse mise à jour attendue, qui s'appelle Sentinel, donc qui, comme son nom l'indique, va développer un peu plus les Sentinelles. Qui sont un peu au cœur de l'histoire de base du jeu. C'était une série dans les années 90, ça, The Sentinel, non ? Exactement, qui avait les cinq sens ouais, de surdéveloppés, c'est ça, je me rappelle. C'était vraiment bien, en fait, ça. Et grosse mise à jour, comme d'habitude, donc avec un gros pan entier qui a été revu, donc c'est l'aspect combat, qui était vraiment en retrait dans No Man's Sky, que ce soit au niveau spatial ou terrestre. Ça avait été un peu amélioré avec le temps, avec justement l'apparition de nouvelles armures en fait pour combattre. Et en fait là, ils ont encore développé le truc, donc avec trois types de sentinelles différentes maintenant, donc des offensives, des défensives et des sentinelles d'invocation. Donc qui, je pense, vont être là pour faire appel à des forces plus puissantes. un nouvel exosquelette aussi, donc on a la possibilité de conduire un exosquelette depuis quelques mises à jour. Donc on a maintenant la possibilité d'y mettre une intelligence artificielle à l'intérieur pour qu'elle nous suive et qu'elle combatte avec nous. Mais ça deviendra aussi un ennemi, donc dans le camp des sentinelles. Ensuite des nouvelles armes. Qui viennent compléter celles qui existent déjà, des nouveaux effets pour les armes. Voilà. Enfin, après, encore une fois, plein de choses différentes. Donc c'est dispo depuis hier. Donc si vous ne l'avez pas déjà essayé, je vous invite à y aller. Puisque comme d'hab, c'est du tout bon quand il s'agit de No Man's Sky. Et voilà. C'est gratuit, et bravo à eux, c'est gratuit. Et ça, c'est vraiment pas prendre les joueurs pour des cons, quoi, le jeu. Bah, ça serait mal vu de leur part, de toute façon. Ils payent un peu aussi le lancement désastreux de leur jeu avec toutes les promesses qu'ils n'avaient pas pu tenir. Ils en sont à combien de mises à jour, là ? Majeur, je dis ? Ouais, une vingtaine. Je pense qu'au bout d'un moment, ils se sont rachetés déjà un paquet de fois, là. Alors, ils ont dit que c'était pas fini, surtout que 2021 avait vu, je crois que c'était 5 ou 6 mises à jour différentes et que 2022 serait vraisemblablement pareil. Voilà. Donc, ce n'est que la première d'une longue série pour cette nouvelle année. Un jeu impossible à finir. Hein. J'ai freiné sur No Man's Sky, j'attends vraiment une version PS5 et PSVR 2. Ah, ben la version PS5, je l'avais commencé. Oui, mais je veux l'autre, moi, celle qui est avec de la vraie herbe et plein de trucs, là, celle qu'il y a sur PC. Oh, mais c'est franchement, remets-le, mets-le avec la version. Ah, mais je l'ai remis, mais c'est pas la version PC. Ah non, il y a plein de trucs en plus. Je sais pas, Say, qu'est-ce que t'en penses avec tes 20 minutes de jeu sur la version PC? Est-ce que tu peux nous en parler? Très peu. Non, mais voilà, tu me l'as fait racheter parce que tu m'as tellement de. Enfin, tu parles de ce jeu-là avec tellement d'amour et d'insistance que. Bah, parce que c'est la vérité. Que du coup, je l'ai déjà quand même bien. J'ai bien joué dessus sur PS4 en plein en VR et je me suis dit, bah tiens, je vais le racheter quand même sur PC histoire de voir ce qu'il a dans le ventre en VR. J'ai pas été plus bluffé que ça, mais en même temps voilà, je suis tombé sur une planète pourrie, je pense. Je suis arrivé jusqu'au vaisseau que je devais réparer, j'ai sauvegardé, j'y suis pas retourné. Donc voilà, pour le moment, j'avoue. Un jeu où il faut prendre le temps, de toute façon, faut pas le faire en rushant, faut prendre le temps. Et le problème, c'est que le temps, malheureusement, est un luxe que je n'ai pas. C'est ça, beaucoup, le problème. Enfin, vraiment pas assez. Donc je priorise, sachant qu'en plus il y a quand même un paquet de jeux en VR qui sont sortis, même en plat, qui me disent bien. Malheureusement, No Man's Sky, toi, si j'étais vraiment en mode découverte, si je l'avais pas pris sur PS4 et je le découvrais, enfin je faisais vraiment la découverte sur PC, je me serais un peu plus accroché. J'ai déjà quand même quelques heures de jeu déjà sur PS4. À refaire l'intro, j'ai fait. Je vais faire une pause. Pause pour le moment est indéterminée. Durée indéterminée. Après, on verra. Hein. Je pense que je me remotiverai. Et puis, à la limite, s'il sort sur PS5 et sur PSVR 2 surtout, et si vous êtes vraiment motivé, il y a moyen qu'on se fasse des parties en multi. Là, ça serait peut-être plus intéressant. En tout cas, plus motivant. Mais là, en l'état. Mais il est très très bien. Si t'aimes ce genre de jeu. Voilà. Ah oui, il est bien. Mais c'est pour ça que j'attends. Hein, parce que s'il était nul, je n'attendrais pas, en fait. Ouais, c'est vraiment un jeu chronophage, on l'a déjà dit, mais si tu commences, il faut t'investir un petit peu au début pour avoir le mécanisme, et après, quand tu t'y remets, en général, ça revient vite, mais c'est très très très complet, il y a énormément de choses à faire. Il y a les menus aussi qui m'ont saoulé de retrouver, les menus sont vraiment pas terribles, enfin je trouve, hein, après, voilà. Faut s'habituer, c'est comme tout, après tu cherches. C'est comme tout. Instinctif. Ensuite, est-ce que Laurent, t'as des choses à rajouter ? Bon, le petit Sam & Max, This Time It's Virtual, qui arrive le 23 février. On en avait déjà parlé plusieurs fois sur le site, il y a des articles. Hein, si vous avez toujours la petite loupe en haut du site, vous pouvez faire une recherche, vous tapez Sam & Max, vous allez avoir les articles sur Sam & Max. Donc rien de plus que ce qu'on savait déjà, hein, donc une aventure de Sam & Max. On va ni incarner ni Sam ni Max, on sera un troisième coéquipier. Et en fait, on va être un petit bleu en formation et on va accompagner les deux inspecteurs pour les épauler, en fait. On ne sait pas trop la durée du jeu, on ne sait pas trop si ça va être un gros truc ou à mon avis, ça ne va pas taper bien loin. À mon avis, 3-4 heures, ça sera bouclé. Je ne veux pas dire de bêtises, mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. Tout ce qu'on sait, la news de plus, c'est que ça arrive le 23. Donc, c'est un jeu qui a déjà été annoncé il y a pas mal de temps, je crois, en 2021, peut-être même avant. Il avait été annoncé pour 2022. La date, elle est respectée parce qu'il arrive en 2022. Voilà. Donc c'est un petit jeu qui déboule. Un petit jeu, c'est une légende, tu veux dire. Sam et Max, c'est... Ça fait partie des... Non, mais je veux dire en taille. Piliers de jeux d'aventure sur PC. Enfin, ça, en durée VR, je parle. Ouais, d'accord. En durée. Si ça se trouve, ça dure peut-être 10-15 heures, hein, mais moi je verrais plus un petit jeu dans le sens de peut-être 3-4 heures, mais bon, on verra bien quand il sera sorti. L'autre titre qui va débouler, c'est Startenders, le jeu de cocktail, de barman cocktail intergalactique. Sans Tom Cruise. Tom Cruise, la simulation de Tom Cruise. Qui est déjà disponible à l'heure où on enregistre d'ailleurs. Bon, bah, c'est ce que j'avais un petit peu parlé sur le Discord. Si vous n'êtes pas venu sur Discord, bah, venez faire un tour, vous serez bien les bienvenus. Il y a du débat. Vous allez sur le site, en haut à droite, il y a le petit logo Discord, vous cliquez dessus et vous êtes invité sur notre Discord. Moi, ce que je crains avec ce genre de jeu, c'est un peu l'effet qu'on avait eu sur Dinner the Duo. Il y a eu plusieurs jeux qui étaient comme ça. Il y avait Hunter, je sais plus comment il s'appelait l'autre truc, Hunter, je sais pas quoi, où c'est que tu as des clients qui arrivent, qui te demandent un cocktail, donc tu dois mettre tel produit pour faire ton cocktail, puis ça va de plus en plus vite, après tu as un barman, tu vas lui donner le truc, il va servir la table, et ça s'accélère, et tu deviens une vraie machine. Et moi, ce genre de truc, je l'avais pas mal taillé sur mon test de Dinner the Duo, parce que j'avais dit qu'il y avait... Tu rigoles, on va dire, les deux premières heures, et puis après, tu t'aperçois... C'est déjà pas mal, hein, en fait, t'es devenu une machine à faire des trucs et qu'il n'y a rien d'autre. C'est pour ça que je défends de ce côté-là plus Job Simulator et Vacation Simulator. Parce que justement, surtout Vacation Simulator, ils ont passé un niveau au-dessus où c'est justement, tu es dans un monde semi... où tu fais ce que tu veux, en fait. Je ne vais pas dire un monde ouvert, parce qu'en VR, c'est compliqué, mais c'est un petit monde. Mais je veux dire où tu vas devoir faire un cocktail dans un truc. Mais après, si t'en as marre, tu te barres, tu peux descendre, tu peux aller dans la piscine, tu peux aller jouer au ballon, tu peux faire plein de trucs. En fait, c'est un bac à sable géant. Alors que là, ce que je critique, en fait, c'est que autant Job Simulator et Vacation, c'était quand même plus ouvert. Tu pouvais faire quand même pas mal de trucs à côté. Dans Job Simulator, tu peux faire des pizzas, tu peux réparer des bagnoles, tu peux être au bureau et balancer des agrafeuses dans la gueule de tes collègues. Tu peux faire comme en vrai, quoi. Là, j'ai l'impression... Voilà, là j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un truc où tu vas faire ton cocktail. Alors je me trompe peut-être, on va le laisser venir et puis on va voir ce que ça donne et où ça va être que ça, en fait. Donc c'est là où je commence à, sans être sûr de moi, je grince un peu des dents en voyant arriver ce genre de... Ouais. Voilà. T'es hypé, toi, Majo? Voilà. Non, ouh, pas du tout. Merci Majo. Non, comme je disais aussi dans le Discord, j'ai plus envie de ça. Voilà, j'ai passé cette étape. Enfin, encore une fois, je l'essaierai comme tous les jeux, si tu veux, qu'on a, mais c'est pas le genre de jeu où je vais aller faire. Enfin, où je vais le terminer. Et si c'était c'était une feature qui était intégrée au prochain patch gratuit de No Man's Sky, est-ce que tu aimerais? Ah ben là, ça change tout. Non, mais c'est comme le même jeu qui sort sur Xbox et sur PlayStation, tu vois, ça n'a rien à voir. Ouais. ce type de jeu là, il pourrait l'intégrer dans le multiverse, par exemple. Ah, oh bah oui, où tu te dis, je sors du boulot, je travaille à tel bar, machin, et je fais ça dans un bar. Bah, et du coup, tu côtoies des vraies personnes qui te parlent, ça peut être sympa. C'est ça, dans les immersive sims, ouais, exactement, mais bon, quel intérêt. Mais. Voilà, c'est... Non, mais c'est vrai, quel intérêt dans un métaverse, je veux dire, d'être barman? Ah, je sais pas, mais c'est l'avenir de la crypto-monnaie, ça. Tu vas être payé pour être barman dans un bar virtuel, où tu pourras rencontrer tes amis virtuels et faire des billards virtuels, des fléchettes virtuelles. C'est ce qui est vendu, hein. Et tu pourras acheter des trucs virtuels. Ouais, c'est ce qui est vendu, hein, de toute façon, et c'est ça qui va prédominer. Par contre, je joue bien au ping-pong, hein, en virtuel. Ben ouais, mais quelque part, je sais pas moi, une boîte comme n'importe qui, les McDonald's qui ont un truc dans le métaverse, il va y avoir forcément des gens qui vont t'accueillir ou qui vont essayer de te vendre leurs produits ou qui vont, et ces gens-là, ils sont bien réels derrière. Ouais, mais McDo, ça reste de l'alimentaire. Qu'est-ce que tu veux vendre? Enfin, c'est ça. Après, il y a toujours cette barrière de réalité. Et non, tu vends des points sur ta carte d'abonné de McDo. pour avoir des sandwichs. Alors c'est moins possible, cher quand tu les vois en vrai. C'est possible. Je pense aussi qu'une économie peut être créée dans le métaverse sans même qu'il y ait d'interaction avec le monde réel. Hein. C'est-à-dire que en termes de cosmétiques, en termes de je sais pas de tokens, de l'image. Ouais voilà. Ouais mais McDo. À part te vendre une casquette virtuelle avec Ronald dessus. Il y a Carrefour qui... Ronald qui n'existe plus d'ailleurs. Il y a Carrefour qui a récupéré du terrain, je crois. Oui, il y a Carrefour, mais ils y sont tous, en fait. Ils ont tous racheté du terrain. Ah oui, c'est vrai que j'ai vu ça. Ouais. Qu'est-ce qu'ils veulent te vendre? Enfin, voilà, des barquettes de poissons panés. Enfin, non, enfin, à mon avis, ça... Imagine le concept. Tu vas faire tes courses en virtuel dans Carrefour et on te livre chez toi, tu vois. Bah, ils te vendent, tu vas gagner des points. Tu sors plus de chez toi pour aller faire tes courses en vrai, tu les fais depuis chez toi en VR. Tu vois. Putain, le futur qui donne envie, quoi. Franchement, c'est pas mal. Ou tu vas peut-être faire tes courses dans le métaverse et tu devras aller les chercher au drive. Ouais, mais c'est ça c'est ce que je disais. Mmh. Bah, je disais de les faire livrer, mais. Mmh. Bon. Ouais, je crois que c'est un peu. On verra ce que ça va donner. Je crois que Phil Spencer, il avait raison, c'est un peu isolant. La VR, hein, quand même. Enfin, en tout cas, cette image-là, fait flipper. Si ça part dans cette image-là, effectivement. Ça peut être drôle. Après la vraie question, c'est est-ce que les gens qui passent leur vie sur les réseaux sociaux passeront moins de temps dans le métaverse ou plus de temps dans le métaverse? Oh, non. Parce que quelque part, pour moi, quelqu'un qui reste dans le métaverse 3 heures tous les soirs et quelqu'un qui reste sur Facebook 3 heures tous les soirs, pour moi, c'est la même chose. Exact. Ouais, le principe du réseau social, c'est que tu es plus ou moins connecté toute la journée, quoi. Ouais, quand tu veux. Là, tu as quand même le... Enfin, dégainer ton téléphone est toujours plus rapide que d'enfiler ton casque. Ce qui est toujours... Là, à mon avis, c'est vraiment une discussion de vieux con, mais le problème, c'est, ça n'a jamais été la technologie, c'est la façon dont on l'utilise. Hein. C'est toujours pareil. Du moment qu'il y a un excès, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans le jeu vidéo, dans tout, dès qu'il y a un excès, il y a un problème. C'est pas toi qui disais l'abus est l'ennemi du bien ou un truc comme non, ça. Le mieux est l'ennemi du bien. Le mieux, les ce qui est complètement hors contexte. Ça veut dire exactement. Qu'il y a trop vouloir bien faire, tu ne fais pas en fait. Non, je pensais qu'il y avait le mot abus dedans, non. C'est pour ça, donc rien à voir. Merci. Une petite partie culturelle. et ouais, c'est tout. La culture, c'est comme la confiture. Voilà, bon, on en a, puis on l'étale. Exactement. Ouh là là, festoche. Hein. Attends, j'en ai un autre, je crois. C'est l'intelligence, c'est comme les parachutes. Quand on n'en a pas, on s'écrase. Elle est pas mal, celle-là aussi. Elle est pas mal. Qu'est-ce que je disais Donc Star Tenders, le multiverse, l'économie d'échelle. Les NFT et tout ce qu'on aime dans le jeu vidéo là, qui est en train de se développer. Moi, je veux juste un nouveau Silent Hill. Quoi. Je demande pas grand-chose. Hein. Je veux pas... On est hors contexte du jeu, mais bon là on parlait d'un jeu quand même, on parlait de Startenders, parce qu'on a totalement digressé. Startenders. Mais... Ah oui, complet. Startenders. Là, c'est plus de la glissade, là c'est de la... Ah ouais, là on est parti. Bah, il y a plus de choses. Loin. Mais faut voir quoi ce Startenders, peut-être qu'il y a un public de toute façon. Oui, il y a un public. Je vous rappelle quand même que Job Simulator est encore deuxième ce mois-ci dans les ventes, donc je ne comprends pas. Faudra m'expliquer un jour, mais... Mais bon, c'est que c'est un fait. Il y a 90% des non-joueurs casuals qui adorent ce genre de truc et qui vont le prendre et qui vont s'éclater avec. Pourquoi pas, quoi, si ça marche. Ouais. Moi, j'ai plus envie de ça. Moi non plus. Je suis pas du tout. Ah, moi aussi, c'est pas. Alors, si, pourquoi pas un truc comme ça. Mais moi, ce que je regrette, c'est que c'est complètement fermé sur ce truc-là et tu peux pas faire autre chose. Et c'est ça qui me gave. Essayez Vacation Simulator. C'est vachement marrant comme jeu. Tu peux faire plein de trucs, en fait. Tu vas changer tes habits. Tu vas aller dans la forêt. Tu vas aller dans les. Pour faire ça, j'ai No Man's Sky. Hein. J'ai trop de bons jeux que j'ai envie de faire et que j'ai envie de finir que de jouer à des trucs inutiles comme ce jeu là ou alors No Man's Sky, tu vois. J'ai pas de temps à perdre. Mais alors, non, mais plus sérieusement, parce tu l'as aimé ma petite crotte de nez, Majo? Ouais, bien sûr, mais c'est pour ça que je le. Hop, merde. Il est bon. Merde, comment il s'appelle le jeu là où tu. Traffic Jam, c'est pareil, c'est un jeu qui est très très bien fait, qui est mignon, mais. Mais ouais, on est plus trop voilà, pour ça. Répétitif. Ouais. C'est mignon, le concept est réfléchi, si tu veux, c'est cohérent. Mais après c'est, mais bon, voilà. C'est bien aussi pour les gens qui débutent la réalité virtuelle, parce que ça reste. Ça reste. Mais je me répète, des jeux comme ça, il y en a plein le store. Oui, mais chacun va sa petite part du gâteau, c'est normal. Puis ça doit pas être très compliqué. Il y en a beaucoup. Et puis, pour moi, c'est plus un jeu quest adapté à un public casual qui veut. Parce que finalement, tu mets ton casque, tu prends ton Quest 2, tu es tranquille, tu mets ton casque. Tiens, je vais me faire 2-3 petits cocktails et puis tu arrêtes au bout de 20 minutes. Et puis après, tu te rends pas compte. Alors que nous, on a peut-être tendance à aimer bien rester 2-3 heures avec le casque, voire 4 heures. Et c'est vrai qu'au bout de 4 heures à jouer à ce truc-là, tu deviens cinglé. Quoi. Allez, crotte de nez avec le Quest, tu peux pas. excellent. Il est vraiment trop méchant. Mais c'est la soirée, on est trop méchant. Ouais, je crois qu'on est tous super fatigués en fait. Surtout, du coup, on est de mauvaise humeur. Tu vois, du coup, on se venge. Non, mais je suis pas de mauvaise humeur. On se venge sur les autres. Voilà. Alors, Xbox, maintenant. Allez, non, mais oui. Est-ce qu'on peut parler du Smart Delivery, voilà, s'il te plaît? Ouais, Donc voilà, bah, c'était Star Tenders. Du coup, voilà. À suivre, on vous en dira plus hein, bientôt. C'est coloré, c'est mignon. Allez, et on fait des cocktails. Voilà, très bien. Et des cocktails que tu peux même pas boire. En plus. Et c'est peut-être ça le plus frustrant en fait, je pense. Et en plus, vu que c'est des cocktails intergalactiques, c'est avec des produits intergalactiques, donc tu peux même pas apprendre quelque chose, comment faire un mojito, comment faire un Sex on the Beach, parce que c'est que des produits. D'accord. Qui sont... Donc ça ne sert vraiment à rien. Tu ressors même pas de là. Tu ressors même pas de là en disant, ouais, ma chérie, ce soir j'ai fait un Star Tenders, je vais te faire un cocktail Sex on the Beach. Magnifique. Ben non, tu apprends même pas à faire des cocktails. Ah, de la mort de Spurf, et voilà, ouais, c'est tout. Dommage. Majo, as-tu autre chose à rajouter? Oui, juste une petite news rapide. No Man's Sky. J'ai perdu le... La feuille de route de No Man's Sky. Non, c'est pas grave. On a eu un nouveau trailer là très récemment de Transformers Beyond Reality. Ah oui. Donc, qui est développé par Metaphor Interactive qu'on ne connaît pas. Un jeu VR sur l'univers des Transformers. Oui. Donc, pareil, pas vraiment de hype au premier trailer. Un deuxième... qui vient confirmer à 90% que ça a l'air d'être un rail shooter. Ouais. Voilà, graphiquement, bah, c'est coloré, c'est pareil, c'est light, c'est un peu cel shaded. J'ai l'impression qu'on dit ça. C'est un environnement joué. On dit ça à tous les jeux qui nous intéressent pas. Ouais, c'est bon, c'est coloré, voilà. Voilà, mais c'est vrai. C'est vrai, en plus, c'est coloré. C'est propre, c'est coloré. Je parlais de Gran Turismo là, il y a 15 jours, tu vois, c'est terne, voilà. Comparé à ça, donc écoute, là c'est coloré, c'est mignon. Mais surtout, la news la plus importante du coup là-dedans, c'est que ça sort le 31 mars, voilà, sur PSVR donc, et sur SteamVR. Donc ça approche, et puis voilà, on vous en parlera, ben, si on a la clé pour le tester, je pense pas que je l'achèterai, hein, je me dévouerai pas pour celui-là. Non plus. Je vous le laisse les gars. Non plus. J'aimais bien quand j'étais petit Transformers, voilà. Avec les jouets, c'était sympa, mais... Petite info importante, si vous attendez ce jeu, du coup, et puis, ben, à voir quand on aura un peu plus de gameplay, mais... À voir. Mais voilà. Donc, c'était tout. Eh ben, voilà. Ça sent quand même la fin du catalogue. Ah, ça sent la fin, ouais. PSVR. Mm-hmm. Bah, Yamos 2. Yamos 2, Wanderer. Mais après, Wanderer vient de sortir, mais qui doit arriver encore. C'est quand même, c'est quand même les derniers gros titres attendus. Il y avait aussi, comment il s'appelait aussi celui avec les bonhommes là qui marchait, qu'on n'a plus de nouvelles. Ah, Humanity, non, ou un truc comme ça. Humanity, ben, il a disparu du, il a complètement disparu du. Je pense que les PS4 en VR, elles n'ont pas dû aimer la gestion des petits bonhommes parce que vu le monde qu'il y avait quand même. Il y en a quelques-unes qui ont dû décoller, je pense. Ouais. Mon avis, d'ailleurs, un petit problème. Ça sent comme voilà, Wanderer, Moss 2, voilà, moi je dirais que Zenith. Là, on arrive sur la fin. Quoi. Il y a Zenith qui est sorti. Zenith. on attend toujours que le studio nous offre un code, mais après 6 mails, ouais, on n'a toujours pas de code. Le seul qu'il a pris, alors j'hésitais à le prendre, mais je ne l'ai pas pris, parce que bon, bah, c'est un jeu qui est encore aussi ultra chronophage, mais par contre, il y en a un qui l'a pris. C'est toi, Sei. Oui. Et est-ce que tu y as joué plus de 20 minutes à celui-là? J'y ai joué un peu plus de 20 minutes, effectivement. Et c'était pas gagné, hein, je peux te le dire. Mais avant d'en parler, est-ce qu'on a autre chose à dire? Ou voilà, on a fait la fin du tube là et c'est fini? Là, non. Là, niveau news, c'est très très... Il n'y a pas grand-chose. Ok, ça marche. Eh ben, moi, je vais vous parler du coup... Ah si, il y a peut-être... Il y a Peaky Blinders. Peaky Blinders qui est... Ça m'aurait étonné que tu m'en niques pas une pendant l'émission quand même. Vas-y. Peaky Blinders qui est annoncé sur PCVR, sur Quest, mais toujours pas sur PSVR ou PSVR 2. Donc, bon, ben voilà, on savait que ils ont commencé en fait à l'annoncer sur Quest, et on savait pas qu'il était sur PCVR. Maintenant, on sait qu'il est sur PCVR. Voilà, voilà. Et ben, c'est très bien. Et donc, rien à voir PSVR, PSVR 2, on ne sait pas. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé en fait. Et peut-être qu'on ne le saura jamais. Très bien. Et ben, c'est très bien. Je peux y aller du coup. Ouais. Est-ce que tu veux que je te réintroduise ? Non, non, mais j'ose plus y aller parce que j'ai peur. Wanderer, très bien. Hein. Oui, d'accord. Oui. Ouais, ouais, sublime ce jeu. Enfin, on a déjà suffisamment parlé. Zenith, The Last City. Et enfin sorti le 27 janvier 2022 sur PSVR et sur PC et sur Quest, il me semble aussi. Moi, je l'ai pris sur je l'ai pris sur PC du coup. C'est un MMORPG qui a été développé par Ramen VR et c'est pas mal. Et franchement, c'est pas mal. J'avais un petit peu peur d'avoir un MMO au rabais. J'avais un peu peur de le prendre et de me mettre dedans aussi parce que j'ai quand même pas mal d'heures de vol sur pas mal de MMORPG et j'ai complètement coupé justement ce type de jeu parce qu'au bout d'un moment j'ai complètement saturé. Mais n'empêche que voilà, il est quand même plutôt prenant ce Zenith. J'ai commencé, comme je te disais tout à l'heure, Majo, c'était pas gagné en fait. T'as deux classes principales. T'as le magicien et une sorte de chevalier en fait avec deux épées. Ou alors le magicien. Ah, c'est tout ? Pour le moment, c'est tout. Que ensuite tu peux choisir de les spécialiser soit DPS, soit tank, soit soutien. La trinité classique des MMO. Mais les deux que tu as au début, en tout cas, voilà, c'est le chevalier et le mage. Et il y en a un autre qui va sortir, je crois, le Cyber Ninja qui est prévu sur la feuille de route. Parce que pour le moment, c'est un accès anticipé. Hein. Donc il n'est pas encore pas fini. Et j'ai commencé par le chevalier parce que je me suis dit, bah voilà, c'est de la VR, je vais bouger mes bras, je vais faire un petit peu comme le jeu que tu avais bien aimé là avec les épées. Ça va être sympa. Et puis en fait, j'ai tenu une heure et demie comme ça et j'arrivais pas à avancer. Je galérais pour les combats, ça m'a pas plu, j'avais mal au bras. C'était super laborieux, d'ailleurs je vous avais envoyé un message en disant que c'est fastidieux. Et puis je l'ai laissé reposer comme ça un petit moment. Et puis je l'ai repris en me faisant un nouveau perso, plutôt mage, DPS. Parce que moi en général dans les MMO je suis ce qu'on appelle dans le jargon une petite salope de campouse. C'est-à-dire que j'aime bien faire mal de très loin, voilà, le plus loin possible. Et donc j'ai pris mage DPS. Et là, ça me va beaucoup mieux en fait. T'as des espèces de tu bouges moins les bras. Là, tu bouges moins les bras, tu le bouges même quasiment pas. En fait, c'est comme si t'avais des espèces de flingues, sauf que c'est des espèces de gros bracelets qui balancent des sorts à chaque bras. Et puis tu tires en fait sur tes ennemis. Ça marche super bien. Ça change radicalement le gameplay et la façon d'appréhender le jeu, mais vraiment radicalement. Et ça, c'est intéressant justement. C'est quelque chose qu'il y a que la VR, à mon avis, qui peut amener ça. C'est que t'as pas l'impression de jouer au même jeu, le gameplay est tellement différent que tu peux pas, tu l'abordes pas du tout de la même manière. Donc l'intro c'est une ambiance un petit peu à la Phantasy Star Online, moi ça m'a rappelé ça. Futuriste. Salut les boomers. Voilà, ah, complètement, hein, j'avais sorti sur Dreamcast à l'époque. Donc voilà, on n'est pas dépaysé. C'est très classique dans sa structure, en tout cas au début. Pour le moment, j'en suis à 7 heures de jeu à peu près, donc voilà, j'ai juste effleuré le machin. Tu vas de zone en zone avec plusieurs missions qui sont somme toute assez classiques à faire, buter tant d'ennemis, récupérer tant d'objets. Allez. Alors, est-ce que on en parlait il y a 15 jours, donc gros succès, problème sur les serveurs. Toi, tu avais rebondi en disant que ça s'était calmé. Oui. De suite après, est-ce qu'aujourd'hui c'est toujours le cas, c'est très calme ou on est sur quelque chose où il y a constamment du monde pour pouvoir jouer? C'est-à-dire qu'en fait il y a beaucoup de serveurs. Et ils ont prévu, à mon avis, ils ont rectifié le tir, ils ont mis en place énormément de serveurs. Et en fait tu trouves toujours des serveurs où il y a du monde. Donc il y a trois catégories, en gros vide, médium et plein. et tu peux toujours te démerder pour trouver un serveur médium où tu vas avoir du monde avec qui tu vas pouvoir jouer et sans forcément te faire déconnecter ou te retrouver tout seul sur la map. Donc en tout cas, t'as le choix, t'es jamais embêté. Alors je sais pas, peut-être que maintenant il y a trop de serveurs justement. Ça je l'ignore, mais en tout cas il n'y a aucune difficulté pour trouver des gens et pour pouvoir jouer convenablement et sans bug. J'ai eu, faut le noter, zéro déconnexion. J'ai eu zéro problème technique sur le jeu. Si j'ai juste eu un bug, c'est beau à souligner pour une bêta. Bah ouais, voilà. Ou un jeu en accès anticipé. Et surtout qu'il y a du monde dessus. Et j'incite vraiment, il y a vraiment du monde. En général, moi je vais sur des serveurs médiums, t'as du monde de partout. Ça fourmille. Tu te sens pas seul en tout cas. Donc voilà, donc des missions qui sont somme toute classiques, qu'on retrouve dans tous les MMORPG. La grosse particularité de ce jeu-là, en plus de proposer du motion gaming dans un MMO, c'est qu'on peut escalader à peu près partout. C'est-à-dire que toutes les surfaces qu'on a, et ben, suffit de mettre les mains, d'appuyer sur grip, et tu peux grimper à peu près où tu veux. Et ça va te permettre de récupérer des objets, des larmes célestes, je crois que ça s'appelle. Idem sur les rochers. Sur les rochers, surtout. X ou Y que tu vois dans le... Ouais, paysage. C'est ça. Et c'est franchement agréable. Et ce qui est le plus agréable dans ce jeu-là, c'est la liberté de mouvement. Le gameplay est fluide. Il fonctionne bien. Il ne bug pas. Et aussi, donc, on voit dans les trailers, la possibilité que tu as de planer. C'est-à-dire que tu vas justement tout en haut d'une tour, par exemple. Tu as des espèces de rails dans le ciel, des tyroliennes qui vont dans le ciel, qui te permettent d'aller encore plus haut, donc de voir la map de très très haut. Et après, tu te lâches et tu écartes les bras. Et en fait, c'est un petit peu comme si tu avais une wingsuit. Tu écartes les bras et tu planes, comme ça. Et tu peux planer jusqu'à ce que ta jauge de stamina soit descendue. Et tu peux visiter comme ça toute la carte en planant. Et c'est vraiment génial, quoi. Ça permet de voyager beaucoup plus vite, surtout. Pas forcément, parce que tu vas pas forcément très vite. Bon, par contre, tu peux passer au-dessus des obstacles et de certains éléments du décor, bien sûr. Et surtout ta stamina est en tout cas au début très très limitée, donc finalement tu peux pas non plus le faire trop, parce que si t'es à 200 mètres de haut et que ta stamina est à la zéro, tu tombes en piquet et tu t'éclates par terre. Donc ah oui, voilà, d'accord. Mais ah oui, c'est pas une fois que la stamina est terminée, tu finis de planer tranquillement. Non, tu tombes comme une merde. mais justement c'est pas mal, parce que tu moi j'ai des petites tu développes des petites techniques. Par exemple, quand je vois que ma stamina elle reste 10%, je me laisse tomber en piqué, et puis après, juste à 10 mètres du sol, tac, je ressors les ailes, et puis hop, comme ça je me fais pas mal. Tu peux faire plein de trucs, en fait. Enfin, c'est vraiment la liberté, t'as envie d'explorer. Le jeu est pas ultra beau, il est très simple, il est très coloré, tu vois, comme jeu. encore un. Mais voilà, c'est un jeu graphisme Quest, hein. Clairement, Clanet, hein, il est pas du tout gourmand. Pourtant, il y a une grosse diff entre les deux versions quand même. PC et Quest. Ah ouais, bah je sais pas, peut-être bien. Mais en tout cas, voilà, il est très simple, il est très épuré. Les textures sont parfois un peu limites, hein, sur certains rochers. Mais ça fonctionne bien. Voilà, là, en ayant changé ma classe et en ayant trouvé une classe qui me correspond un peu plus, bah franchement, je m'éclate beaucoup plus dessus. Donc après, tu peux grouper avec des gens, créer des guildes. T'as toute une partie de craft aussi, où tu peux sortir un petit établi et faire ta popote. Et là, le motion gaming est vraiment mis en avant. C'est à dire que pour faire ta popote, c'est pas juste c'est pas comme Minecraft où t'as juste des cases, tu mets tes ingrédients et pouf, ça te fait ton truc. Non, là va falloir prendre le lait, le mettre à mijoter, le faire chauffer, mais pas trop, sinon ça boue, après ça va être dégueulasse. Ensuite tu dois rajouter du sucre à côté, ensuite tu dois saupoudrer et tu dois faire les gestes tout en maintenant la cuisson, tout ça pour faire des cookies et puis te redonner de la vie. Le craft, à mon avis, ils ont fait quelque chose justement, et un petit peu comme le jeu de cocktail là, tu vois, où t'as toute cette partie de motion gaming qui est mise en place uniquement dans un gameplay simple, et bah là ça fait partie d'une activité que tu peux faire dans le jeu. Ça serait limite un job à part entière. Complètement. J'ai essayé, j'ai tout fait cramer, hein. Donc voilà, c'est comme en vrai. Ah, c'est un métier. Ah, ouais, c'est pas le mien. Donc en plus j'ai fait 2 ans de cours de cuisine, mais ça a rien donné. Hein. Donc un foutu de faire des cookies. Ah, bravo. Et voilà quoi, il y a plein de bonnes idées. Le jeu est en early access, il a l'air quand même assez vaste. Il y a plein d'ambiances différentes. Très très classique quand même dans sa structure. La map est grande et variée en termes de décor, ou c'est toujours de la verdure très Elle colorée. A l'air. Bah, en tout cas, voilà, j'ai fait les 7 premières heures de jeu, donc j'ai vu les 3 premières zones. J'ai rien vu, quoi. J'ai vraiment rien vu. C'est une ambiance très, très asiatique, en fait, entre les zones, qui sont quand même assez vastes. Hein. Mais du coup, entre les zones, tu passes en dessous de portes Shinto, tu vois, les espèces de portes japonaises, là. Ouais, le truc en bois là, avec les drapeaux qui pendouillent, les lanternes qui pendouillent. Voilà. Donc voilà, c'est une ambiance très asiatique, qui est pas déplaisante, hein, franchement, c'est mignon, ça passe bien. Il y a tout en anglais, malheureusement. Encore, putain, ouais, bah. Voilà. Dur. Tout en anglais, et ça peut être un petit peu handicapant de temps en temps. Mais quoi qu'il en soit, quand tu vas sur les bons serveurs, tu tombes sur des Français qui sont tous super cool. Encore une fois, moi je suis assez étonné, hein, de pas croiser de connards en multi, en VR. J'allais dire, ouais, exactement. On a le même ressenti sur After the Fall, je suis tombé que sur des gens sympas. Exactement. Et sur Zenith, pareil. Nous aussi. Que sur des gens sympas. Parce que les gens en VR sont sympas. Mais oui, non, mais c'est ça. Bah, très certainement, mais c'est vrai que sur des jeux multi, t'as pas l'habitude. Enfin, tu vois notamment tout ce qui est Call of, les Warzone, les Battlefield et compagnie. Enfin, je veux dire, ça s'insulte, ça tire l'arigot. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est Mais là, vraiment, ouais, mais on est le public VR est. Le public VR est peut-être plus mûr aussi. Peut-être plus mature. Tu veux dire plus quarantenaire, quoi. Plus vieux. Eh ben, détrompe-toi, vieux, justement, il y a beaucoup. Ouais, j'ai entendu beaucoup de jeunes. Hein. J'ai entendu des ados, voire des bien. Ados très jeunes. Peut-être. Tu peux avoir des quarantenaires qui n'ont pas mué. Ouais, non. Oui, c'est vrai. Non, là, enfin, j'ai. Ou des quarantenaires complètement. Chérie à table. Oui, maman. Ah, merde. Bon. Ils peuvent être quarantenaires et être sur leur mère aussi, hein, donc on ne Exactement. Juge pas. Non, il y a quand même des très jeunes aussi, mais voilà, tout le monde est cool, tout le monde est content d'être là, tout le monde s'entraide. Quand il y en a un qui tombe au combat, en fait, il peut continuer de bouger, mais ça va être un spectre. Et entre lui et son corps, enfin le lieu où est-ce qu'il est mort, va y avoir un espèce de fil spirituel qui va être entre les deux. Pour le faire ressusciter, il faut pas utiliser un objet, une potion, une queue de phénix comme dans un Final Fantasy. Tu mets juste ta main sur son fil et en fait ça le se remplit, ça remplit le fil, ça change de couleur. Et quand ça arrive jusqu'à la personne qui est morte, ça la fait ressusciter avec un petit peu de vie. Rien que ce petit principe-là, en fait, bah, ça marche super bien, ça. C'est très communautaire. Le fil Spencer. Le Phil Spencer, exactement, excellent jeu de mots. Oh là là là là. Tambour à ce moment-là. Fatigue, hein, vous l'a dit, hein, vous m'emportez. Et donc voilà. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur ce jeu? Dommage, il n'y a pas d'archer. Moi, s'il y avait eu un archer, je l'aurais pris direct, mais malheureusement, il n'y a pas d'archer. Customisation du personnage, ça va venir. Hein. Peut-être limité aussi en termes de gameplay, toujours passer des flèches. Bah. Ou alors mélanger un peu de magie, peut-être avec, genre enflammer ta flèche, rajouter un sort de glace dessus ou des trucs. Je pense qu'ils trouveront. Et finalement, tu sais, le mage, il est comme ça et puis il tire avec ses trucs. S'il y a un autre truc aussi, c'est que tu débloques au fur et à mesure, quand tu augmentes de niveau, tu débloques des sorts que tu peux ensuite mettre en raccourci sur ta main directrice. Et pour faire les sorts, en fait, c'est pas tu dois juste appuyer sélectionner et puis appuyer sur la gâchette pour le lancer. En fait, tu dois appuyer sur ton bouton de grippe et faire le signe avec ta main avant de lancer le sort. Par exemple, si tu ne bouges pas, enfin moi sur ma configuration, si je bouge pas, j'appuie sur gâchette, j'ai un sort de boule de feu. Si je grippe et je vais sur ma gauche, là j'ai un sort de glace. Et ça fonctionne super bien, en fait. Ouais, un peu comme The Wizard, qui était un jeu de magie, justement, où tu avais, pareil, alors tu avais les attaques en fonction de comment tu dégainais, et comme tu dis, si tu agrippais ou en fonction du bouton que tu utilisais, ça te faisait une certaine attaque. Et tu en avais même une autre où tu pouvais atteindre de multiples cibles, où en fait, il fallait récupérer des... faire un espèce de schéma en fait sur l'écran, soit avec une main, soit avec deux mains, mais le but c'était de les faire le plus vite possible et dans un ordre aléatoire, on va dire, pour avoir l'attaque la plus puissante. Donc ouais, ça c'est cool, c'est pareil, c'est ça investit un peu plus le joueur dans le gameplay du coup pour la partie match. Ah mais complètement. C'est-à-dire que là on oublie complètement le côté un peu plan-plan du MMO qui est un petit peu sur ses acquis depuis des années, des dizaines d'années. Et là ça apporte quelque chose et effectivement c'est ça, tu t'investis beaucoup plus dans tes parties. Et surtout quand tu joues avec des gens qui plus est sympa, ben du coup ça fait plaisir de partir à l'aventure et puis à la Nullbuck et puis voilà, poutrer du strum. Bonne surprise, franchement. A priori assez négatif, je me suis dit un MMO, franchement ça me saoule. Maintenant j'y arrive plus. J'ai commencé avec la mauvaise classe, je me suis dit c'est lourd, c'est chiant, j'y arrive pas. Et j'ai trouvé ma bonne classe. C'est pas la classe des feignants. Là, mais maintenant, j'ai trouvé ma bonne classe de DPS à distance, Quar, et ça me va très très bien. Ouais, tu vois, c'est, mine de rien, enfin, ce que tu dis, du coup, ça conforte un peu ce qu'on disait aussi, pareil, au dernier pod, où je boostais l'avant-dernier, enfin bref. Il faut pas oublier l'aspect feignant pour les joueurs VR qui, justement, veulent pas masse de motion gaming. Mm. Et ça peut être un facteur à prendre en compte aussi, justement, quand tu essayes de faire des jeux à multiples gameplay au sein du même jeu. Donc c'est c'est un facteur justement qui t'a aussi permis de choisir ta classe et trouver ton bonheur dans ce Zénith, comme tu dis, où ta première tentative était un peu plus sur la retenue. C'est ça, exactement. Quoi d'autre à rajouter là-dessus? Bon, je pense que j'ai plus... Je disais, niveau des armes, des sorts et compagnie, c'est quand même assez varié ou t'as vite fait le tour, pareil, et c'est un peu redondant là-dessus pour l'instant, du coup. Les armes, t'as uniquement tes espèces de bracelets poignets là qui balancent des boules pour le mage et deux épées pour le chevalier, mais elle change pas. Enfin, tu T'as pas de skin différente ou des épées que tu récupères à la fin d'une quête avec une puissance différente. Bien entendu, t'as toujours le même système justement de loot. Tu lootes des armes plus intéressantes, plus fortes, qui changent la skin, l'aspect de ton arme change. Ton personnage aussi, il y a des pièces d'armure, bottes, pantalons, cuirasse et gants aussi, pareil, que tu peux upgrader, ou casque. Tout ça s'upgrade, c'est du très très très classique, mais il le propose, il le fait bien, quoi, et ça fonctionne bien. Donc ouais, en gros c'était un bon MMO classique, mais avec le petit plus de la VR par dessus et du motion game. Et la liberté dans tes mouvements, qui est vraiment génial, quoi. Le fait juste voilà de pouvoir aller tout en altitude sur la carte, de voir tout en tout petit en dessous de toi, et puis de pouvoir planer comme ça au-dessus, c'est mine de rien quelque chose d'assez assez, enfin c'est très agréable, en fait c'est très agréable à parcourir et ça marche bien. Donc voilà, moi l'impression d'être dirigé, c'est vrai, comme tu dis, la lourdeur que tu peux avoir sur pas mal de jeux VR justement très dirigistes pour masquer les problèmes techniques divers et variés qu'on connaît et te faire regarder là où on veut te faire regarder, donc c'est vrai que c'est autre chose, quoi. Ouais. Ouais, c'est de l'exploration, c'est de l'aventure, ça fonctionne bien, j'aime beaucoup en tout cas, mais tout ce que je veux maintenant, j'attends que vous l'ayez tous et qu'on se fasse une guilde et qu'on puisse éclater à... Allez, viens sur No Man's Sky. No Man's Sky, moi. On ira faire de l'aventure et de l'exploration ensemble. Ouais, non, j'ai pas envie. Allez, bon, voilà, donc c'était Zénith. Toi, Laurent, c'est le genre de jeu qui te titille ou pas? Alors oui et non, comme tu disais, c'est relativement chronophage, donc je pense que je passerai plus de temps sur No Man's Sky, parce que je serai plus conquis par le côté voyage interstellaire, mais ça me botterait, disons qu'on on a un boulot à côté, on a des enfants à côté, donc si on commence à passer 400 heures sur les jeux, ça va pas le faire. Ça devient compliqué, c'est bien compliqué. Trop tard. C'est pour ça que je me mets de côté mon petit No Man's Sky. Attends, la retraite, maintenant. J'ai ma petite boîte, je l'ai mis de côté. Tu crois qu'on en aura une un jour? Je pense que je vais attendre un No Man's Sky sous le PSVR 2. Et puis là, je pense que oui, je vais passer du temps. Mais en plus, Zénith, il est pas cher. Je crois qu'il est à 30€ sur PC. Et oui, mais No Man's Sky, je l'ai déjà acheté. 25 sur... Ah ouais, mais il est 25 aussi sur PSVR. Il y a 25 sur le PS Store. Ah d'accord, très très bien, donc comme le prix sur PC, donc à bien, à pas cher, à des gens sympas, à sympas à jouer. Mais il doit être très bien. Je regrette pas. J'ai regretté au début. Je me suis dit merde. Vraiment perdre ma cam. Et puis finalement, je regrette pas parce que c'est sympa quoi. Donc la semaine prochaine, tu nous reparleras de Zenith du coup. Non, je veux pas devenir ce gars relou là qui nous reparle du même jeu à chaque podcast, là, à chaque fois qu'il y a un patch. Ouais, j'avoue, Lolo, faut que t'arrêtes. Hein, je parlais exactement de Lolo, ouais, bien sûr, c'est ça. donc voilà. La semaine prochaine, de toute façon, on ne pourra pas en parler parce que il faudra pas, on va avoir besoin de parler du PSVR 2 qui va être officialisé. Non, mais la semaine prochaine, c'est bien simple, il n'y a pas de podcast. Ça sera dans deux semaines. Ouais, mais dans deux semaines. Dans deux semaines. Comme ça. Puisse Dieu t'entendre. Ouais, on aimerait bien, hein. C'est sûr. Et la voir encore plus. Et pas avoir à galérer. Ce sera dans une autre vie. Pas avoir. Voilà, c'est ça. On sent le discours dépité. Ce soir, c'est le. Ce soir, c'est le. Ce soir, c'est la patate. On n'est même pas énervé. Oh, rien, on est juste dégoûté en fait. C'est quelqu'un ça. Veut mon couteau. Non, j'ai ce qu'il faut là. Qu'est-ce que vous avez raconté, les gars? Bon, écoute, on n'a rien fait cette semaine. C'est la merde. Moi, j'ai un truc à dire. Ouais, j'ai un truc à dire sur Brad Lynch. Je sais pas si vous suivez Brad Lynch sur Twitter. Non, j'ai pas Twitter, j'aime c'est pas Twitter. Quelqu'un qui est spécialisé. Donc c'est un Américain qui est non seulement bon, il fait tout ce qui est news spécialisé VR, mais en même temps il est aussi développeur en même temps. Et donc des fois il dit des trucs plutôt sympas. Et le dernier truc qu'il a balancé, c'est qu'il a été fouiné dans le code du projet Cambria, donc le prochain casque de MetaQuest. Et donc, il aurait trouvé dans ce code-là des références à des codes qui feraient appel à un moteur haptique intégré dans le casque, dans le projet Cambria. Donc, je trouvais ça plutôt sympa parce que c'est vrai qu'on est toujours avec un PSVR 2 qui serait le seul casque avec des retours haptiques dans le casque, ce qui forcerait les développeurs à faire cette particularité juste pour les jeux PS5. Si Meta Facebook font la même chose et qu'ils ont eux aussi un moteur, du coup, on va avoir pas mal de jeux qui vont être... Les développeurs vont forcément développer avec ces systèmes-là. Donc je trouvais ça sympa qu'il annonce ça, parce que je dis, tiens, ça peut intéresser aussi les joueurs PlayStation. Bah, c'est bien, comme tu dis, en fait, ça va démocratiser un petit peu la technologie, et puis ça va uniformiser aussi le développement, en espérant que ça ne l'uniformise pas systématiquement qualité Quest vers PSVR 2, il y aura toujours un fossé comme ça l'est maintenant. On ne sait pas encore, parce qu'apparemment les prototypes du projet Cambria tourneraient encore avec la XR2, ce que je ne crois pas du tout, hein, parce qu'il y aura une autre puce. Là, c'est juste pour des prototypes. Par contre, même s'il y a une puce, on va dire les meilleures puces actuelles mobiles, elles vont faire la puissance d'une PS4. Ce qui est déjà pas mal. Pas une PS4 Pro, hein, une PS4. Donc ça va être un truc qui va taper 1,8, maxi 2 teraflops. D'accord. Très bien, bon bah... C'était intéressant, merci Laurent. Mais je suis sincère, hein. C'est juste que je suis pas l'entrain. Mais... Merci les gars. Merci les gars pour votre soutien. Oh, on est au top. C'est lamentable. Comme ça, je vais. Je sais même pas si je vais la mettre cette émission tellement les. Si je la mets. On a déjà fait des trucs bien pires, même plus honteux. Donc. J'avoue. On n'a pas 4 grammes encore. Non, ouais, c'est fini. C'est connerie. On peut plus se permettre. Écoute. Bon, on verra la prochaine fois, on verra la centième. Voilà. Bientôt d'ailleurs, ça devrait tomber cette année. Bientôt, ouais, tu m'avais dit de faire le calcul, chose que évidemment je n'ai pas fait du coup. Il me semble que ça tombe cette année. Mais bon, on va pas faire le calcul maintenant, ça va être... Oui, puis en plus on va se sentir obligé après de faire le décompte à chaque podcast et ça va faire chier tout le monde. Vous vous rappelez de Altspace VR? Oui, sur PC. Altspace VR, c'était pas sur PC, ça c'était sur PSVR aussi. C'était une expérience avec un gars qui te parlait à partir d'un écran, je crois. C'est pas ça? Non, c'était une espèce d'horizon, c'était plutôt un truc dans l'esprit multiverse, à la méta-horizon, non ? Altspace VR, c'est juste pour dire que Microsoft a arrêté complètement le jeu, il a été supprimé. Ah oui, c'est un vieux truc ça, d'accord. Ouais, dommage. Comme pour vous dire qu'en ce moment, on a beaucoup de choses à dire. Hein. C'était un projet WMR, mais bon, dispo sur Vive. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, c'était un projet WMR. Ouais, ouais, mais c'est aussi dispo sur Vive et Oculus. Bah maintenant, c'est dispo sur rien, parce que... Bah maintenant, c'est plus dispo. C'est plus dispo, donc... Ouais, bon, en fait, ils sont en train de changer leur fusil d'épaule. Et il y a aussi Star Trek Bridge Crew qui a été retiré des catalogues aussi. C'est vrai. Donc ouais, apparemment, ils vont fermer les serveurs, du coup. Ouais. Que des bonnes nouvelles, quoi. Voilà. Je pense qu'on va pouvoir finir l'émission sur, sur ces bonnes nouvelles. Et puis voilà. Je vous sens, mais vous en avez d'autres, des trucs à la con à raconter? Ah, non, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attends. L'autre, il cherche, il gratte. C'est ça. Il cherche toutes les merdes possibles. Mais le problème, c'est qu'il n'y a, pratiquement que des merdes. Donc, le PSVR, donc ça ne sera pas 2023, hein, c'est 2024. Voilà, 2024. Voilà. Ça a été confirmé par Jim Ryan juste à l'instant. Je déconne. Non, donc c'est fou, c'est fou, attention. Sur ce, bonne soirée. Allez, bon, bah je pense de toute façon, on va se quitter là. On fera mieux la prochaine fois, hein, on vous promet, ça sera. Bah, ouais. Vous jouez à quoi, vous, en ce moment? À Cyberpunk 2077. Toi, t'as pas envie de retourner voir ta femme, c'est ça? Ah, mais. T'as un truc à te reprocher, non? Toi, t'as pris la version gratuite. Exactement. Pour tester. Et alors, ça bug? Oui. Deux heures de jeu, un crash et un ragdoll. Voilà. D'accord. Bon, d'accord, merci. C'est tout ce que je voulais savoir. C'est pas énorme, mais bon, c'est deux heures de jeu, c'est pas non plus énorme. Bon, écoute, après, vraisemblablement, il y en a quand même moins que la version de lancement. Mais voilà, non, après, bah, on peut en parler vite fait. Enfin, c'est très joli. Très joli, l'environnement, l'univers, tout ça, c'est vraiment plutôt beau. Après, j'avais oublié ce que ça faisait de jouer un FPS à la manette. J'avoue que c'est pas simple. Alors en plus c'est un RPG, donc comme l'ont dit plusieurs personnes, pardon, c'est pas avec un headshot, pardon, que tu te débarrasses de ton adversaire. Hein, il va lui en falloir 3 ou 4 pour qu'il disparaisse et puis donc à viser à la manette, c'est pas des plus simples. Mais bon, après c'est complet. Ça me fait beaucoup penser à Deus Ex quand même, avec, on va dire, un aspect infiltration un peu moins. L'avantage de Deus Ex, c'était dès que tu passais en infiltration, en fait, t'étais la troisième personne, là où tu restes à la première personne dans Cyberpunk 2077. Mais ouais, ça reste un peu plus bourrin, du coup, je trouve, quand même, dans les approches, à partir du moment où les ennemis t'ont détecté. Mais sinon, voilà, t'as plein de possibilités, piratage, élimination furtive. Bourrinage, voilà. Pour l'instant, c'est plutôt sympa dans l'ambiance, vraiment. Et puis, le gameplay, écoute, ça n'a rien de, je trouve, de révolutionnaire. Comme je dis, ça me fait beaucoup penser à Deus Ex, le 2, notamment avec toutes les parties de piratage que tu avais à distance et tout ça. En un peu plus poussé, forcément, puisque tu as plus de possibilités. Et j'ai bien aimé l'utilisation des barrettes mémoire aussi pour faire du piratage. Je trouvais ça cool. Mais voilà, je trouve que ça révolutionne pas grand chose pour l'instant. Bon, j'ai joué que 2-3 heures. Le jeu est totalement gratos pour ces 5. Enfin, il donne un essai de 5 heures sur la version PS5, donc dispo sur la page du jeu sur le PS Store. Et puis voilà, donc si vous l'avez jamais fait, que vous aviez peur ou quoi, c'est l'occasion. Encore une fois, l'environnement est cool, l'histoire a l'air pas mal, mais ça n'a rien de révolutionnaire, je trouve, dans le gameplay. Voilà, moi je l'ai terminé. Alors que je suis un gros fan de Witcher 3 et que pour moi c'est mon jeu de la vie. Ce qui n'a rien à voir. J'ai fini, que ce soit dans la manière de le jouer ou dans l'environnement. Oui, mais c'est le même développeur. Non, mais pour dire que j'ai pas envie de casser du sucre sur Cyberpunk pour faire chier. Je l'ai terminé, Cyberpunk, je n'en ai absolument rien retenu. C'est-à-dire que pour moi, c'est un jeu. Il n'y a pas de flamboyance, il n'y a pas d'âme. C'est très, très lourd, en fait, comme ambiance. C'est toujours la ville, le désert, le gris, la dégueulasserie, du cul partout, c'est de la débauche, on va dire, plutôt, et ça appuie vraiment sur le côté rock'n'roll, cyberpunk. C'est l'univers qui veut ça, ouais. Mais voilà, j'ai pas ultra kiffé. Pourtant, je suis pas réac à ce niveau-là. Hein. Mais Ouais, j'en ai pas retenu grand chose en fait, malheureusement. Il est très beau, hein. Si, une chose. Ouais, quoi le... Que tu m'as dit l'autre jour, bah qu'il manquait le mode VR. Et qu'il n'y a pas le mode VR, voilà, que Vorpix. Ça, dès que ça sort, ouais, mais même s'il y a un vrai mode. Vorpix a sorti sa version gratos pour justement Cyberpunk en cadeau. C'est bien, hein, c'est super sympa de leur part. C'est pas parfait, le framerate il est aux fraises, ça fonctionne pas très très bien. Je me vois pas refiner le jeu en tout cas avec ce mode là. Alors qu'un vrai mode VR, justement, oui, là ça le ferait. Ça serait. Non, mais s'il y en a un qui se lance, et je pense qu'il y en aura un jour, franchement, chopez-le parce qu'à mon avis, ça sera d'un tout autre niveau. Ça, c'est sûr et certain. Parce que même les combats au corps à corps se prêtent idéalement à la VR, je trouve. Quand tu te bats au katana, le fait de parer et d'esquiver. Il ne faut pas attendre une version VR de CD Projekt. Ah bah non, non. Non, mais c'est pour ça que je dis que le jour où ça sortira en mode. Un vrai mode comme il y a eu sur les Resident Evil, les derniers, là, franchement, allez-y, faites-vous plaisir. Quoi. Ouais, c'est clair. Puis il y a un truc aussi que j'ai pas aimé dedans, c'est. C'est que mon perso il a eu l'air d'un clodo en short du début à la fin. Peut-être que je lootais que des trucs moches, mais alors, mon perso ressemblait à un sac à patates du début à la fin, même quand j'avais du bon stuff à la fin. Hein, c'est le problème, c'est que souvent dans ce genre de jeu, effectivement, tu te fies plus au stuff à la qualité de ton stuff qu'à son design. Et là, moi, c'est pareil, j'ai trouvé les 3 ou 4 premiers trucs que tu peux avoir quand tu lances le jeu. Donc, j'ai un bandana blanc pour avoir de l'armure, si tu veux. Une veste en cuir, marron, avec un jean délavé, quoi. Tu vois. Juste pour avoir 6 d'armure de chaque. Et encore ça va, Je te dis, moi, j'ai fait une grosse partie. Parce que là, je te le décris, mais je t'assure que quand tu le vois en vrai, ça va pas du tout. Du coup, j'ai un chignon parce que je me suis mis les cheveux longs, j'ai un chignon et tout. Non, mais c'est magnifique. Ça n'a rien à voir. En fin de jeu, mon perso avec des espèces de bottines ou des petites sandalettes, je crois, avec un short, avec un t-shirt et puis une espèce de doudoune rembourrée dessus, et puis un espèce de chapeau tout dégueu. Il ressemblait vraiment à une merde, quoi. Et du coup, t'as pas envie d'incarner ça. Et le problème, c'est que tu peux dire, ouais, mais c'est un FPS, tu t'en fous. Ouais, mais quand tu vas sur une moto, et j'étais souverain en moto à la fin, en fait, tu le vois ton perso et tu te dis, c'est quoi ce truc immonde, et voilà, quoi. Bon, après, ça reste du détail, mais c'est vrai que c'est pas. Du détail. On sent. Ça n'a pas été trop fait pour ça. Après, bon, tu peux peut-être aussi. Allez, quand tu penses cyberpunk. Faire fi de ton armure, je veux dire, et essayer de t'habiller stylé, si vraiment ça te tient à cœur. Non, c'est du détail, c'est vrai. Mais bon, cyberpunk, merde, c'est pas pour être en short avec une doudoune pendant tout le jeu, quoi. Enfin, bon, bref. Ok, bon, voilà. Donc voilà, bonne surprise. Très bien, merci Majo pour cette bonne surprise. Petite review. Bonne découverte, en tout cas. Est-ce que tu le paieras? Est-ce que tu l'achèteras? Tu vas passer à la caisse finalement? Voilà, ben là, il est en promo à 25€ sur le store PlayStation. Alors, il est disponible à l'essai jusqu'au 15 mars, je crois, et il est en promo jusqu'au 5 mars. Est-ce que je vais l'acheter? J'ai pas prévu, en tout cas. J'avoue que ça me donne un peu envie de continuer quand même. Il me reste 2 ou 3 heures à faire sur la démo. C'est vrai que ça donne envie de continuer par la suite. Maintenant, comme je dis, ça me fait pas forcément saliver non plus. Et puis, j'ai toujours du mal avec la démarche marketeuse de CD Projekt. Alors, même si j'en ai discuté déjà, on me dit ouais, mais bon, faut le faire pour les devs. Ils ont travaillé dessus, tout ça. Je dis ouais, mais malheureusement. Si on n'achète pas, j'ai l'impression qu'ils vont payer les pots cassés parce qu'il risque d'y avoir du licenciement, le studio va pas tourner, etc. Et puis si on l'achète, c'est de l'argent qui va aller dans la poche des marketeurs et des actionnaires. Donc j'ai pas l'impression non plus qu'ils vont être récompensés, si tu veux. Donc, tu vois, je me dis que bon, s'ils doivent se faire virer et qu'ils ont du talent, autant qu'ils aillent le partager ailleurs, finalement. Ce que j'allais dire. On va rester sur cette optique-là. Donc voilà, pour l'instant, j'ai pas forcément prévu de l'acheter. De ce que j'en ai vu, je te dis, c'est 50-50. Ouais. Quoi. Voilà. Bon. Ouais, mais si t'as pas rien de mieux à faire, pourquoi pas tenter le coup, mais ouais. Bah, j'ai Hitman 3, j'ai Wanderer à terminer, j'ai No Man's Sky là, qui va être remis sur le devant de la scène. Trop de jeux, pas assez de temps. Il y a Horizon Forbidden West, Sifu qui me faisait de l'œil, il y a Hades que j'aimerais bien acheter aussi, tu vois, il y en a plein. Ah, Hades, le jeu surcoté par excellence. Hein. Ah, je me suis fait avoir, j'ai été dégoûté. Ouais. Tout le monde a dit Hades, je joue qu'à Hades. Hades, en fait, c'est un jeu de l'ennui, hein. Faut bien aimer refaire la même chose pendant des heures et des heures, quoi. J'ai pas trop mal accroché, hein, mais c'est qu'au bout d'un moment, saturation totale, refaire toujours les mêmes choses du début à la fin. Ah, c'est le principe du jeu. Non, mais jeu surcoté de fou, enfin pour moi en tout cas. Ouais. Peut-être juste pas ma cam de refaire inlassablement toujours les mêmes choses. Bah, pourtant, t'avais bien aimé Yuki. Yuki, effectivement, même si je l'ai jamais terminé, hein, Yuki, hein, en tout cas pas pour le moment. Mais Yuki n'est pas encensé comme Hades. Ah, parce oui. C'est vraiment. Moi, ouais, je me suis fait avoir justement par toutes les personnes, les youtubeurs, les machins, ou même dans les podcasts. Hades. J'en suis à 400 heures, il est génial ce jeu. Putain, j'ai même pas dépassé 10 heures, quoi. Enfin, je comprends pas. Bon, t'as pas fait 20 minutes sur No Man's Sky, donc moi ça m'étonne pas. Voilà, je dois être assez impatient comme gars, je pense. Ça doit être ça. Et toi, Laurent ? Personne est allé voir Uncharted ? Non. Moi, Cyberpunk ? Non. Non, et toi, à quoi tu joues ? Moi, je fais Horizon, là, le 1. D'accord. Comme ça, tu seras prêt. Donc, voilà. Donc, je devrais recevoir le 2 demain. Oh, j'avais déjà commencé, bien fait mal d'ailleurs, à Horizon, mais je ne l'ai jamais terminé, en fait. Mmh. J'avais dû faire 70%. J'avais réussi à libérer toute la map principale de Horizon, mais j'étais pas allé au bout de l'histoire. Et puis je me suis dit, y a le 2 qui arrive, donc puis la VR en ce moment est plutôt calme. Donc en ce moment, toutes mes soirées sont concentrées sur Horizon. D'accord, ok, voilà, c'est parfait. Et ben. Et comme pour en revenir à Cyberpunk, moi c'est pareil, c'est cet aspect justement Cyberpunk qui me. Autant j'étais un grand fan de Witcher 3, c'est peut-être pour ça que j'aime autant Horizon. Autant Cyberpunk n'inspire pas, quoi. Simplement. Ok. Il y a pas de dinosaures. Y a pas de monstres. Non, y a pas de dinosaures. Il y a pas cet aspect un peu médiéval. Pas de zombies, pas de dinos, c'est mort. Voilà. C'est pas un truc qui m'attire. Donc c'est vraiment le thème, en fait, qui. C'est pas le jeu en lui-même. C'est que c'est pas le truc qui m'attire. Ok. Bon. Autre chose à rajouter, messieurs ? Personne n'a été voir Uncharted au cinéma. Ah oui, donc non. Parce que ça m'intéresse absolument pas. C'est pour moi, les trucs à licence putassière. Je me suis déjà farci Resident Evil, Welcome to Raccoon City. Ah oui. J'ai vu. Je crois que c'était un des pires. Surtout que maintenant, ils ont, si j'ai bien compris, réduit les temps d'adaptation des films ciné sur les plateformes de vidéo à la demande. Je crois que c'est passé en France, c'est passé de 18 mois à 6 mois. Dans 6 mois, il sera sur Netflix ou sur Prime ou sur Apple donc TV. Donc le cinéma va couler. Ça commence déjà, malheureusement. Et surtout, c'est pas avec des productions comme Uncharted que ça va redresser la barre. Chez moi, donc je suis dans une petite ville quand même, et on a un cinéma qui est très vieux. Et donc, ils avaient prévu de nous faire un nouveau cinéma, mais un joli cinéma, quoi. Et les chantiers sont carrément arrêtés, là. Pour te dire que les mecs, ils ont dû dire, oh là, mais on va pas dépenser une fortune pour faire un ciné, parce que le cinéma, c'est mal barré. C'est pas le moment. Enfin bon, c'est un autre débat. Mais tu serais peut-être le dernier cinéma de France. La dernière séance, comme disait Eddie Mitchell. Blague de vieux. Ok, boomer. Bon, allez, ben on se fait des bisous. Ouais. Ouais. Et puis, on termine cette émission de l'amorosité. Tout va bien. Et puis, on se dit dans 2 semaines avec plein de super infos. en espérant qu'il y ait un peu du lourd quand même. Du gros. Qui est un peu de news. Voilà. Et puis voilà, vous pouvez. Non, j'ai déjà fait la promo. Vous pouvez nous retrouver partout. Vous pouvez nous faire plein de trucs. Soyez gentils avec nous parce que nous, on est super sympas. Et puis voilà. Si allez voir sur Vrac, il y a El Rocco qui nous a fait des petits unboxings ASMR formidables. Ah oui. Avec des jolis gants. Avec des jolis gants bleus. Voilà. Pour ceux qui connaissent The Relaxing End, qui est une chaîne spécialisée en unboxing en tout genre sur le thème du jeu vidéo, El Rocco s'en est beaucoup inspiré pour faire la même chose, mais sur des jeux uniquement PSVR. Voilà. Voilà. Et puis le petit pouce qui va bien. Et puis voilà, vous verrez comme ça comment est-ce qu'on froisse avec élégance. Moi, ça me plaît. Le tact. Oh, c'est beau, c'est calme dans mes oreilles en même temps. Ouais. C'est magnifique. Donc voilà. C'est presque de l'ASMR. C'est ça. Et ben, on vous fait des bisous. On vous dit à dans 2 semaines. Et puis à bientôt. Ciao. Salut.